clair, obscur. Une musique sombre sur Rage. Bonsoir à tous et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage. On est content de vous retrouver ce mercredi soir à minuit, mes petits corbeaux, moi-même, votre cher serviteur, ainsi que ma collègue Nathalie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, ou mes petits corbeaux, ou mes petits cupidons ce soir. Ce soir, effectivement, ça va volter un petit peu dans le studio. Et à l'instant, c'était pour ouvrir cette émission des musiques sombres qui conclut la soirée rock sur Rage tous les mercredis soirs après Underground Zero, après Tapage Nocturne, après 33 Tours Minute. C'est avec nous et les musiques dark, new wave, rock et un petit peu autre chose aussi exceptionnellement ce soir que vous concluez la soirée rock sur vos stations préférées. Et à l'instant, pour ouvrir cette émission, c'était L'Unique, le projet de Katy Page, une nana du Massachusetts qui fait un projet new wave pop assez sympa. C'était extrait de l'album Love Sift qui était sorti l'an dernier. Le morceau s'appelait Masquerade. Pourquoi j'ai choisi un morceau qui s'appelait Masquerade? Tout simplement parce que ce week-end, c'est les carnavals, notamment de Venise et de Rio de Janeiro, qui s'ouvrent. Mais il y a aussi un autre événement ce week-end pour lequel tu avais envie de faire une émission semi-spéciale, je crois. Oui, c'est la Saint-Valentin, la Saint-Nian-Nian. Alors c'est vrai que c'est une fête qui est prévue pour les amoureux. Alors personnellement, moi, c'est une fête que je déteste parce qu'il m'arrive toujours un gros souci à ce moment-là. Donc j'avais envie, un peu comme l'année dernière où on avait fait la Saint-Valentin dépressive, de continuer un peu sur ce délire-là. Cupidon, on t'emmerde. Hein, voilà, c'était un peu le thème de la soirée. J'ai d'ailleurs de très très bonnes propositions sur la chatbox. Hein, ils sont en train de lui annoncer les pires sévices, le pauvre. Je pense pas qu'il passera à voir les gens de la chatbox avant un moment parce qu'ils sont en train de me le découvrir. Couper en morceaux, de lui arracher les ailes, de le faire rôtir. Enfin, on sent un petit ressenti sur le petit côté Cupidon, tout ça. Donc je pense que certains, dimanche le resto, les fleurs et les chocolats, ça va pas être pour eux. Mais en même temps, ça me fait toujours un petit peu rire parce que ceux-là même qui disent que c'est commercial, etc., l'année d'après, quand ils ont un concubin, s'étonnent que, ou s'offusquent que le concubin en question ne leur offre pas un truc merveilleux et super cher. Mais bon, c'est les paradoxes de la nature humaine, c'est comme ça. Je vais te dire, moi, je trouve que c'est complètement stupide parce que quand t'aimes quelqu'un, t'as pas besoin d'un jour à la con pour le célébrer. Tu peux le célébrer tous les jours et t'es pas obligé d'aller faire la queue 3 heures chez le fleuriste et manger dans un resto foireux qui va te coûter la peau des fesses juste pour montrer aux autres que t'es en couple. Et puis ça peut être aussi une occasion de faire chier, tout simplement, en offrant à son conjoint qui du Viagra, qui un aspirateur. Voilà, garde-vaisselle Enfin bref, on va continuer dans notre playlist avec du glam, on va rentrer dans le vif du sujet, avec un morceau que je dédie à mon ex, c'est Jade Wayot avec le morceau « Les habitudes n'existent pas ». Bye. à l'instant Jade Wayo, ce groupe de glam goth français parisien, parisien, ils sont toujours français finalement, avec Les Habitudes n'existent pas. C'était sorti sur l'album qu'ils avaient sorti il y a 2 ans, Les Aventures de Lilith von Sirius. C'était pas le nom de l'album, mais c'était le concept, l'idée un peu de cet album assez particulier dans leur discographie. C'était Les Habitudes n'existent pas de Jade Wayo. J'adore ce morceau, j'adore cet album, j'adore ce groupe. Et je vous en ai déjà passé, je vous en repasserai. Ça valait bien une petite dédicace. N'est-ce pas ? Puisque ce soir, à ton initiative, on est dans une émission semi-spéciale qui va devenir plus ou moins une émission spéciale. On a du mal à se dépêtrer avec nos spécialités dans cette émission, mais c'est sans doute pour votre plus grand bonheur, puisque on fait une émission dédiée à cette petite saloperie qui vole dans les cœurs tous les 14 février. Oui, enfin, dans les cœurs. Hein. En général, le machin, il rend plutôt les gens malheureux quand il passe pas, et ça finit souvent en divorce, et ça enrichit le notaire et l'avocat. Comme le Père Noël. C'est une ordure, c'est ça en fait. Ah, tu as bien... Je commence les phrases, tu les finis, décidément. On va finir vieux couple, fais gaffe, les habitudes n'existent pas, mais... Sauf dans clair-obscur. Les auditeurs nous prennent au mot, j'en suis sûr, sur la chatbox que vous pouvez retrouver sur le /... clair-obscur, espace, rage, R-A-J-E. L'autre jour, j'écoutais une émission gothique québécoise et le mec, il disait pas slash, il disait barre oblique. Donc, c'est vrai que ça m'a marqué, je me suis dit que je devrais en faire autant. Alors, d'ailleurs, sur la chatbox, on parle comment découper Cupidon, lui arracher les yeux, les ailes, le rôtir, le l'empaler. Enfin, ils sont en train de me faire la totale, donc c'est classe. C'est une... Les recettes de cuisine ne s'échangent... Limite, oui, c'est maïté, tu sais. Alors, vous prenez la pentade, on n'en est pas loin. Un soupçon de noix de muscade. Allez, pour continuer dans la joie et dans la bonne humeur, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, que vous en ayez rien à cirer, ou qu'au contraire, ça vous soucie pour des raisons légitimes ou non, peu importe, ce soir, c'est une émission dédiée à la Saint-Valentin, un événement heureux ou non, peu importe. Moi, je trouve ça mignon, même quand je suis célibataire, mais c'est pas forcément l'avis de tout le monde, et on va en profiter pour vous faire une petite playlist, non pas pour vous déprimer, si c'est le cas pour vous, mais plutôt pour vous incliner à sourire et à prendre les choses du bon côté. Et justement, on va continuer avec un groupe qu'on n'avait jamais pris le temps de passer, Nathalie. Et pourtant, moi, c'est un groupe qui m'est super cher, parce que quelque part, j'ai commencé avec ce groupe. Ma mère avait le vinyle, donc tu vois, ça remonte, hein. C'est tout vieux, mais c'est toujours un bonheur. Je parle bien donc d'Indochine. Dont le tube majeur est sorti en 1982, qui est aussi... L'Aventurier, Bob Moran, c'était celui-là. Moi, j'ai dû me le passer, je crois que j'ai usé le CD, le vinyle, tellement que je l'ai écouté, ce truc. Mais ils n'ont pas fait que ça, mais je crois que quelque part, ça a dû m'influencer sur certains choix musicaux. Et 82, quelques années après, ils ont sorti, je ne sais plus quel album c'était, mais un autre morceau qui est devenu cultissime, devrais-je dire, on en rigolait hors antenne, avec un morceau que vous reconnaîtrez sans peine, d'ailleurs c'est même pas la peine que je vous le présente. Mes 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et 3 nuits par semaine, mais bon Dieu qu'elle est belle. We'll be right back. Un petit baiser, chérie. Que je vous ferai voir ma grosse gondole et ma belle tour de Pise. Et puis je planterai ma grosse fourchette dans vos raviolis. Elle est si douce. J'adore cette fille. Your girlfriend's head was off your shoulders, and into the punch bowl, and that's it. Stress about everybody I've been there. Kids are screaming, somebody fainted on me. I got ketchup all over my dress. She always looks so beautiful, always looks so beautiful, but she never looked as beautiful as she did tonight. Whoa, it's such a tragedy that she didn't live to see tonight. Whoa, she looks so good tonight. Her head rolls out. À l'instant, un petit peu d'énergie, un petit peu de fureur tout à fait féminine avec le morceau « Your girlfriend's head », la tête de ta petite copine, et les paroles, grosso modo, c'était « Oh, dis donc, ta petite copine n'a jamais été aussi belle que depuis qu'elle s'est fait trancher la tête ». Je pense que ça va parler à certains, je sais pas pourquoi, à propos de leurs ex. Voilà, c'est ce que je m'étais dit, donc ça m'a bien fait rire, ce morceau de Zambina and the Skeletons, et ce groupe horror punk, un peu psycho, qui a sorti ce morceau-là en 2005, me semble-t-il, sur un EP, et j'ai trouvé ça assez sympa, assez drôle. C'est le côté énième degré du psycho, avec la rage féminine que peuvent avoir certaines dans ces périodes-là. Et on va aller vers un autre groupe pour l'engeance féminine, n'est-ce pas, Nathalie? Oui, mais moi je suis pas fan, tu vois. Je suis peut-être l'exception qui va confirmer la règle, hein. Mais je trouve que le côté bellâtre, beau gosse, un peu trop glabre, pour moi, c'est... ça m'attire pas. Puisque maintenant on va passer un petit peu de love metal, yeah, avec un groupe autoproclamé de love metal. Faut croire que le terme, s'il n'a été inventé pour eux, ils l'ont inventé pour que pour eux, que pour vendre leurs albums. Un groupe qui peut horripiler autant qu'il peut fasciner. Et c'est pas une question de classe d'âge ou de tendance musicale, puisqu'il s'agit du groupe finlandais IM, avec Ville Valos, son charismatique leader, qui est un sacré beau gosse, il faut le reconnaître, mais qui se donne des airs un petit peu d'Elvis Presley sans avoir forcément la carrure, et des fois forcément c'est un petit peu grotesque. Néanmoins, c'est un groupe qui fait des tubes, des chansons creuses. Là, ça trouve assez bien. Les chansons creuses, c'est magnifique. Tu connaissais pas cette expression d'origine? Non, je connaissais pas, tu vois, mais ça lui va très bien. Déjà avant le rock, déjà dans les années 50, on parlait d'un tube pour un succès commercial, et donc Boris Vian, avec son esprit très très bien tourné, avait dit c'était une chanson creuse, logique. Et bien c'est aussi le cas de certains morceaux de IM, mais c'est pas forcément ceux que j'ai envie de vous ramener ce soir. Un morceau un petit peu caricatural, mais c'est tellement bon, avec un morceau qu'ils avaient sorti au tournant des années 2000 sur l'album Razorblade Romance, il me semble, et c'est I Love You. Wow. I see it in your eyes, I feel it in your touch. savage. I taste it from your lips. And baby, more I love. I see it in your eyes. I feel it in your touch. I taste it from your lips. And baby, more. My darling, the closer I get, the more you're out of love. Don't you feel it? The colder your touch, the more it tears me on. And the faster beats my heart. I taste it in your lips. And baby, more I love. I see in your eyes. I feel in your touch. I taste it in your lips. And baby, more I love. I see in your eyes. I feel in your touch. I taste it in your lips. Salut, on est le groupe Spirale Mystique, mais on va peut-être changer de nom. Ouais, on y va les enfants. La chanson suivante est une composition, elle s'intitule Pénible Orgasme. J'espère qu'elle vous plaira. À l'instant, vous l'aurez reconnu, c'était Trent Lane, le frère de Jane Lane dans Daria, avec une de ses interventions mémorables à la tête de son groupe Spirale Mystique. Mais juste avant, c'était un autre beau gosse, lui aussi charismatique, qu'on aime ou qu'on déteste. C'était Ville Valo dans le groupe IM, ce groupe finlandais d'autres autoproclamés de love metal, avec le morceau I Love You, qui est bien sorti en 2001 sur l'album Razorblade Romance. Voilà, un groupe, un petit clin d'œil, non pas aux Emo Kids qui nous écoutent, mais plutôt aux Minettes qui ont le droit après tout de se faire plaisir aussi, et on est là pour ça. Wow, tu nous as dit ça avec un sourire et tout. Si elle te voyait à la webcam, elle se ferait encore plus plaisir. Mais Nathalie, si je me permets ces petites ambiguïtés, c'est non pas à ton attention, mais pour te permettre de réenchaîner sur le morceau qui nous a... C'est gentil, surtout que ça n'a rien à voir avec... Avec du love metal, là on passe carrément sur... Oui, mais au niveau cochonceté, au énième degré, c'est quand même fort. Hein. Tu m'as fait écouter ça tout à l'heure, explique un petit peu aux auditeurs qu'il en est. J'ai cru que tu allais rougir. Alors c'est un morceau que j'ai découvert grâce à un ami, que je salue, merci Nico, qui est un groupe qu'il adore, qui se nomme Ange. Et ce groupe est un groupe de rock français de Belfort, qui est né au début des années 70, donc c'est pas tout jeune, qui a été créé par deux frères, les frères Descamps. Au début, la musique, c'était un mélange de rock-prog, un petit côté musique médiévale, avec des textes très travaillés, un peu de français très très soigné. Et souvent, derrière leurs textes extrêmement mélodieux, poétiques, parce que c'est presque de la poésie parlée, c'est presque pas forcément chanté, ce groupe est capable de faire les allusions les plus grivoises ou les plus tordues, perverses, ou poétique tout simplement, en fonction de leur thème, en fonction de ce qu'ils font. Ils sont quand même extrêmement actifs, parce qu'ils font encore des tournées, hein. Plus de 40 ans plus tard, je trouve que c'est une sacrée longévité, surtout qu'ils remplissent quand même des grandes salles à Lyon, à Paris, ils sont à guichets fermés. Ben, franchement, c'est un groupe chapeau. Moi, je salue une longévité pareille. Et je salue aussi cette créativité qu'ils ont, parce que voilà, le côté médiéval, il fallait oser déclamer un peu, style troubadour, en version, je vais dire, hentai, un peu pervers souvent, parce qu'il fallait le faire. Franchement, donc je vous propose de découvrir ce morceau. Alors, faut pas s'accrocher sur le titre. Je vous conseille d'écouter très, très distinctement les paroles avec une grande attention. Le groupe s'appelle Ange et le morceau se nomme Balade pour une orgie. Ils étaient tous réunis. Le curé de la famille avait flanqué sa belle.

It's fine the way it is. King of Greed du groupe magnifique de Bellatre, je sais que Stéphane va pas se priver de se moquer de moi, du groupe Diary of Dreams, groupe allemand dont je vous avais déjà passé quelques titres, qui pour moi, oui, est peut-être un peu plus sexy que Yim, mais qui rentre quand même dans la petite caricature du groupe Ajabo avec le maquillage et voilà, et le, bon, c'est tous les codes du romantisme, hein. Mais bon, c'est toujours aussi agréable. Et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, vous nous écoutez bien sur Rage, vous nous écoutez sur le 90.3 si vous êtes dans le Vaucluse, sur le 102.5 dans le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, et sinon sur le net aussi. Sur le net parce qu'il y a le MySpace, vous pouvez nous retrouver sur le MySpace de Clair Obscur, également sur le Facebook, sur la chatbox du MySpace, vous pouvez nous laisser un petit mot sur le groupe de Facebook, voilà, vous avez de quoi nous joindre. Sur le forum de Rage aussi, www.rage.fr pour les podcasts, l'écoute en direct et le coucou à la webcam si vous avez le courage. Et puisque tu nous as amené vers des contrées un petit peu plus douces, un petit peu plus calmes avec ton groupe Aminette, là, Diary of Dreams, eh bien on va continuer après tout puisqu'on y est très bien. Avec un groupe dont j'avais eu l'occasion de vous parler à l'occasion du passage de leur ex-violoncelliste à Marseille il y a quelques semaines, c'est le groupe anglais Current 93. Anglais ou américain, je ne sais plus, zut, bref. Current 93 qui, en 1998, avait sorti un mini-CD avec un morceau au titre vraiment caricatural, A Gothic Love Song. Alors là, ça peut vraiment sonner cucu la praline. En fait, on fait une spéciale caricature ce soir. Oui, d'une certaine manière, mais je crois que c'était plus ou moins inconscient déjà dans l'idée, n'est-ce pas ? Tout à fait. Toujours est-il que ce morceau, Gothic Love Song, est sorti sur un mini-CD en 98. Il a été repris quelques années plus tard sur un album, Soft Black Star. C'est une jolie ballade au piano que je vous propose d'écouter maintenant. A Gothic Love Song pour vous dans Clair Obscur. clicking your fingers for a gothic twilight that actually existed just in your head. Your fingernails painted black or blood red, I forget. And your fake leather volumes jabbering on hell. Manifest decadence was what you hoped to exhale. Your eyes tried so hard to glitter, a star snuffing black, so you opened your books and you opened your legs and so opened your heart and let in the badness you claimed as your friend. With unangels hovering like flies round the orgy that had covered your soul, their empire increasing, and your country deserted by yourself. The bells of St. Mary call us to remember that life is with end, and that gestures can kill us, moreover, destroy. And there is one judgment only. Your letters came daily, in French or in German, but they meant to me nothing. I caught the slow chords and dry ice, fogging your mind. I see all too clearly now why you could be discarded. And though I could pray for you, I probably shan't. Having had my cup filled up with your lies and your makeup, you were nothing, thinking you're something. And nonetheless, I still write this gothic love song, a sign to myself, a memory of my past. I still write this gothic love song, a sign to myself and a memory of my past, and a way to shut out your face. En garde, Seigneur Sol! Gomez. Querida. Cette nuit, tu avais l'air d'un détraqué. Tu ressemblais à un démon hurlant à la mort. Tu m'as fait si peur. Recommence. And so few understand. understand what it means to fall in love, and so few know how hard it is to live without it. Lord, I must have been blind. Lord, I must have been blind. Lord, I must have been blind. À l'instant, c'était un morceau que nous avait ramené Nathalie. I must be in blind, et je vais me faire le plaisir de faire la dédicace du morceau à mon ex. I must be in blind, j'espère que le message est passé. Je suis méchante, mais ça fait du bien. Et le groupe, c'est This Mortal Coil. Alors, le This Mortal Coil, à la base, n'est pas vraiment un groupe, c'est un super groupe, c'est un projet mélangeant des gens de divers groupes, avec quand même des noms relativement prestigieux dans notre petit milieu, parce qu'il y a quand même eu Siouxsie and the Banshee, il y a quand même eu Cocteau Twins, il y en a une liste, Dead Can Dance, Cindy Talk, il y en a une liste impressionnante. Que des groupes qui ont une chanteuse charismatique avec une forte personnalité ou une voix magnifique de toute façon. Tout à fait, ou un chanteur relativement efféminé. Ça arrive aussi dans le cas de Cindy Talk. C'est vrai. Mais voilà, c'est quand même pas n'importe qui a fait ce projet. Et finalement, ce groupe, ce side project, méga groupe, a pris tellement d'ampleur que c'est devenu un projet définitif qui continue de tourner en plus de leur groupe officiel. Et des chansons d'amour actuelles, des sentiments contemporains qu'on peut entendre dans ce que tu nous ramènes, on va aller vers des contrées un peu plus éloignées. Est-ce qu'aussi le quart d'heure médiéval de Nathalie va se faire particulièrement en douceur puisqu'il sera question du fin et amour? Mais de quoi s'agit-il? Le fin amour, c'est l'amour courtois, c'est l'amour où le chevalier passait des mois, voire limite des années, le pauvre, j'imagine bien la crampe, à espérer sa... d'effleurer sa dame, il passait des nuits à côté. Elle a dit effleurer, hein, pas autre chose. Oui, mais le pauvre, tu imagines quand même la souffrance, il a fantasmé dessus, à espérer, à la flatter, et finalement, souvent, il ne l'épousait même pas. C'est vrai que, tu vois, dans le dessin animé South Park, il y a un moment, Chef dit, le sexe, c'est une expérience sensuelle et spirituelle. Alors évidemment, dans le contexte de South Park, c'est toujours pour faire rire, mais j'ai trouvé ça quand même assez sensé. Et ça m'a fait penser à mes études en fac d'histoire, où effectivement, notre prof d'histoire médiévale nous disait qu'il y avait quelque chose de spirituel dans le fin amour, et que tout ça, ce que tu décris, qui évidemment, c'était une manière de codifier les rapports sociaux de l'aristocratie, mais c'était aussi parce que, après tout, l'amour, c'est pas, on n'est pas, comme dit Yoda, nous sommes des êtres illuminés, pas de la simple matière brute. Vous avez vu un peu les références philosophiques du gars? gars. Il a fait des études d'histoire médiévale et il cite Yoda et chef. Quoi. Non, mais c'est beau, tu es polyvalent, hein, on va pas critiquer. Moi, je trouve que c'est bien niveau culture, tu es varié, c'est agréable. Tout ça pour dire que c'est une belle illustration de ce concept médiéval, le fin à mort ou finé à mort, on trouve les deux prononciations. C'est très localisé dans le sud de la France, Languedoc, la Catalogne. Oui, c'est vraiment quelque chose de chez nous, c'est vraiment une tradition. Alors on la retrouve un peu plus dans le nord, un peu dans le nord, mais c'est beaucoup moins mis en valeur. Peut-être qu'il faisait froid, donc le chevalier pouvait pas rester des heures assis au pied de sa dame, je sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose de chez nous, le côté contemplation, on attend l'amour, la fleur au bec, et puis on espère. En tout cas, on fait une petite dédicace, et si la musique des Troubadours vous intéresse, le dimanche matin à 11h, il y a le Top 50 avec toute la musique du Languedoc, dans lequel vous pouvez retrouver, Renaud vous diffuse régulièrement, des Troubadours contemporains. Mais revenons à ce groupe qui te tient particulièrement à cœur. Oui, parce que c'est Quental, mais c'est les seuls que j'ai trouvés qui mettaient en musique de manière qui est tout à fait agréable ce texte, où ils l'ont gardé totalement intact. Donc il n'est pas toujours très facile à comprendre. Je vous mettrai la version en ancien français, la version traduite pour que vous compreniez mieux l'histoire. Bon, en gros, en résumé, c'est deux amoureux qui passent la nuit ensemble, mais sans se toucher forcément. Hein. C'est toujours très... C'est le fin à mort. On ne se touche pas, on espère, on y croit, mais on ne se touche pas. Et à un moment, ils voient que les oiseaux commencent à faire du bruit, donc ils se disent qu'il est temps de rentrer, parce qu'apparemment, ils ne doivent pas être très officiellement fiancés, ces deux-là. Et le jeune homme dit à sa compagne, non, non, il reste encore un peu de temps, les oiseaux nous trompe, et ça finit par quelques bisous très très chastes. C'est mignon, c'est délicat, et c'est une comptine anonyme à la base, on ne sait pas de qui elle vient, mais ça fait partie de notre patrimoine. Eh bien écoute, je vous propose d'écouter ça, un petit peu de douceur venue du fond des âges qui nous est ramenée par Nathalie ce soir dans Clair Obscur. À l'instant, vous venez d'entendre le Finamore version Quental, le thème du Finamore avec Entre moi et mon ami, texte en ancien français dont je vous mettrai la traduction pour plus de clarté s'il y a des curieux. En tout cas, c'est toujours aussi agréable à écouter. Et en tout cas, pour avoir le petit mot quasiment de la fin, parce qu'on arrive déjà à la fin, notre Cupidon, bah finalement, nos amis sur la chatbox n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur quel sort ils allaient lui faire subir, le pauvre. Donc malheureusement, on va être obligé de le garder pour l'an prochain. Hein. Il va encore nous casser les bonbons une année et une Saint-Valentin supplémentaire. C'est pas faute d'avoir cherché, mais voilà. Ah bon, on va le garder une année de plus. Et pour conclure sur cette Saint-Valentin, eh bien, on vous souhaite de passer un bon week-end. Très rapidement, on vous annonce quelques petites choses à faire ce week-end, justement. Si vous avez envie de sortir, vendredi 12 à Marseille, au Dock des Suds, pour le festival La Nuit Rouge, vous pourrez retrouver The Hacker, qui pour une fois est sans Miskitine, et Kiko. Donc, à musique électro, électro-dark, si vous avez envie de vous faire plaisir sur le dance floor, c'est au Dock des Suds ce week-end. Sinon, jeudi, demain soir, donc jeudi 11 février, au Poste à Galène, toujours à Marseille, vous aurez une chanteuse folk très intéressante, un peu dans la lignée de Marissa Nadler, de Mazzy Star, tout ça. Toutes ces demoiselles à guitare folk qui font une musique très très agréable. D'ailleurs, on va se quitter avec un de ces morceaux au Poste à Galène, demain, pour la somme de 18 euros. Ça commence à 20h. Et nous, moi, je vous propose de nous quitter avec un de ces morceaux qui s'appelle, si Gogo Gadget au bras, je retrouve ma liste, Two Shots to the Head. C'est peut-être le sort que vous avez envie de réserver à certains de vos ex, mais ne passez pas à l'acte, puisqu'il y a des, comme on dit, une de perdue ou un de perdu. Un de perdu. Un de perdu. Allez, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Bye bye. I don't wanna break my back. You seem so funny when there's nothing going on. So I know you'll drive away out of here. I know you will always be here. 'Cause I really loved you. You know I did. Told you over and over again. 'Cause I know you'll drive away out of here. I know you will always be here. Two shots to the head. Now you're running, running fast. Two shots to the head. Now you're running, running fast. Cast a shadow on your flowers to your name. Cast a shadow on your grave. Hold the flowers to your name. I don't wanna break my back. You seem so funny when nothing going on. 'Cause I know you'll drive away out of here. I know you will always be here. 'Cause I really loved you. You know I did. Told you over and over again. 'Cause I know you'll drive away out of here. I know you will always be here.